Nous avons certes accordé une grâce à David de notre part, aux montagnes et oiseaux, répété avec lui les louanges d'Allah, et pour lui, nous avons amolli le fer